Ambroise Vollard, Souvenir d'un marchand de tableaux. Chapitre 1er. De l'île de la Réunion à la faculté de droit de Montpellier. Ma famille, mes premières années. J'ai la passion des beaux uniformes. Je veux être médecin de marine, bachelier. Je renonce à la carrière médicale. Il est décidé que je ferai mon droit. Je suis né à l'île de la Réunion, cette perle de l'océan Indien, connue d'abord sous le nom d'île Bourbon, et dont les sites enchanteurs et les mœurs ont si bien été décrits par Marius Harry Leblond. Il arrive, lorsque je parle de mon pays natal, qu'on me demande « Combien y a-t-il d'habitants et quelle est la superficie de votre île ?» J'ai lu que la Réunion était plus petite que le plus petit département français, le département de la Seine excepté. Pour ce qui est du nombre des habitants, je l'ai toujours ignoré. Ce que je sais, par contre, c'est que le premier noyau de colonisation de l'île Bourbon a été formé en grande partie de familles aristocratiques venues de France. Nos rois, par maintes ordonnances, avaient édicté que les nobles ne dérogeraient pas en allant coloniser. Il y eut aussi les paysans, dont la politique de Colbert s'attacha à peupler les terres nouvellement rattachées à la couronne. Lors de la Révolution, nombre de ci-devant, menacés dans leur vie, allèrent également aux îles pour y chercher refuge. Enfin, on doit ajouter des Français de toute classe que l'esprit d'aventure avait poussés à s'expatrier. Ce fut le cas de mon grand-père maternel. Il était originaire de la région du Nord. Tout jeune, son rêve eût été d'être peintre. Mais finalement, il était parti chercher fortune à La Réunion, où il s'unit à une jeune fille dont les parents étaient provençaux. Je me souviens que, parmi les papiers qu'il avait laissés, je découvris le brouillon d'une lettre adressée à un ami de France et où il parlait du divin Ingres. Ce qualificatif de divin, appliqué à un peintre, devait d'autant plus me frapper que je ne l'avais pas encore vu employé pour désigner un être humain. Quant à mon père, dont les parents n'avaient jamais quitté l'ancienne province de l'Île-de-France, il était venu à La Réunion pour entrer dans une étude de notaire qu'il finit par acquérir. Ce fut quelques années après son arrivée dans l'île qu'il se maria. De cette union, il eut 10 enfants, dont j'étais l'aîné. Au milieu des éléments étrangers qui, peu à peu, s'étaient infiltrés dans l'île, nègres, chinois, indiens, malgaches, la population blanche avait le plus grand souci de maintenir son intégrité de race et ses mœurs traditionnelles. Aussi apportait-on une extrême vigilance dans l'éducation que les familles donnaient à leurs enfants. Un jour, j'entendis une amie de ma tante Noémie raconter qu'elle venait de demander au censeur du lycée, pour son fils qui devait l'accompagner à la campagne, la permission de manquer les cours du lendemain. « Soit, avait répondu le censeur, vous lui remettrez un billet, disant qu'il a été souffrant. » « Donner à mon Édouard l'exemple du mensonge et avoir à rougir devant lui, moi, sa mère, tant pis, il ira au lycée. » L'éducation des jeunes filles était, cela va sans dire, soumise à des règles de bienséance et de décence qui feraient sourire aujourd'hui. Cette même éducation, je l'ai retrouvée chez les Américaines du Sud, rencontrées à Paris. C'est que les jeunes chiliennes, uruguayennes, paraguayennes ont encore les mêmes éducatrices qu'avaient nos jeunes filles de la Réunion. Ces vénérables religieuses qui maintiennent dans leur pensionnat les coutumes et la politesse de la vieille France. Je me souviendrai toujours de mon étonnement devant une jeune Brésilienne qui portait, roulée en torsade, une admirable chevelure. « Comment, mademoiselle, vous n'avez pas fait couper vos cheveux ?»« C'est que si je le faisais, quand je rentrerais à Rio, on me montrerait du doigt. » Deux ans plus tard, je revis la charmante étrangère. Je dois dire que, cette fois, elle avait les cheveux à la Jeanne d'Arc. Et je ne jurerais pas qu'actuellement, les jeunes filles de La Réunion elles-mêmes... Aussi loin que me reportent mes souvenirs d'enfance, je revois un perroquet juché sur son perchoir. Je brûlais d'envie de posséder une des plumes de l'oiseau. Mais, comme je le voyais briser de son bec les graines les plus dures, je me gardais bien de l'approcher. Si jeune que je fusse, j'avais remarqué que tout ce que je faisais était imité par un petit nègre du voisinage. Alors, en sa présence, j'arrachai une plume de la queue d'un poulet. Puis, lui désignant le perroquet, « Toi aussi, prendre une belle plume !» Mais il se recula en faisant la grimace. « Ça y a pas bon !» Je dus donc renoncer à la plume tant convoitée. Autour du perchoir qui était installé dans la cour, sous un manguier, il avait poussé tout un jardinet où s'épanouissaient, entre autres plantes, de magnifiques tournesols. Un jour que je me querellais avec un de mes frères pour la possession du jardin du perroquet, tante Noémie, nous séparant, « On va transporter ailleurs le perchoir pour qu'il pousse un autre petit jardin. Comme cela, vous aurez chacun le vôtre. » Je dis à ma nanaine, « Bonne d'enfant, on ne voit jamais le perroquet fouiller la terre ni planter des graines. Comment pousse-t-il alors son petit jardin ?»« Ça, bébête-là, ça, malin !» me répondit-elle. Mais je remarquai qu'en décortiquant ses graines, le perroquet en éparpillait autour de lui. J'eus ainsi l'explication de toutes ces plantes qui poussaient en désordre, un désordre si joli. J'avais alors une véritable passion pour les fleurs. Quand on était satisfait de moi, on me donnait la permission d'en cueillir dans nos plates-bandes. Quelle joie alors de faire des bouquets! Ma prédilection allait aux roses. Les dahlias, sans que je m'en rendisse clairement compte, mais à cause sans doute de ce qu'ils avaient de compact et de métallique, ne me faisaient pas l'effet de vraies fleurs. Mais je dois reconnaître que lorsque, bien des années plus tard, Renoir me donna à choisir entre deux de ses toiles, dont l'une représentait des roses et l'autre des dahlias, eh bien, j'avoue que je fus très embarrassée. Dans notre salon, il y avait une vitrine où, à côté des curiosités du pays, des becs roses empaillés, des papillons sous verre, des coquillages, on pouvait admirer des bouquets de fleurs faits avec de la paille de chouchoute, teintes de couleurs variées. Ma tante Noémie, à qui ses amis accordaient volontiers un joli talent d'aquarelliste, était fière de copier sur son album ces fleurs artificielles. « Les fleurs du jardin sont plus belles, » lui dis-je un jour. « Oui, mais les fleurs en paille de chouchoute, elles ne se fanent jamais. » rétorqua ma tante. Je devais apprendre un jour que, pour la même raison, les plus somptueux bouquets de Cézanne avaient été peints d'après des fleurs en papier. Je ne cessais de tourmenter mes parents pour que l'on me permît de faire dans notre jardin quelques aménagements à ma guise. Mais à toutes mes demandes, on répondait invariablement « Nous verrons quand tu seras plus grand ». En attendant, je faisais transporter par ma nanaine le perroquet et son perchoir, successivement dans les plates-bandes d'œillets, de balsamine, de roses, et je m'enivrais de la variété des spectacles que je réalisais ainsi. Je me souviens que, dans l'arrangement auquel je donnais la préférence, L'oiseau aux plumes multicolores faisait une tache éclatante au milieu d'une corbeille de lys. J'avais aussi un petit chat jaune. Je le trouvais, un matin, couché près d'une bordure de myosotis. Je ne connaissais pas alors ce qu'on appelle les complémentaires, mais mon œil s'enchantait de ce rapprochement de couleurs. Un jour, j'avais fait un petit bouquet de pâquerettes et de violettes blanches qui me parut très joli. Je courus le montrer à tante Noémie. « Écoute, me dit-elle, il ne faut jamais mettre des fleurs blanches avec des fleurs blanches, ça ne ressort pas bien. »« Mais tantine, ce n'est pas le même blanc. » »« C'est égal, je te répète que c'est monotone. » Or, plus tard, il m'arriva d'entendre Renoir parler d'un effet de blanc sur blanc qu'il cherchait à rendre. « C'est joliment difficile, disait-il, mais rien n'est plus excitant à peindre, ni d'un plus joli effet. » Une de mes ambitions d'enfant avait été de devenir esclave. J'avais entendu dire par les grandes personnes que jadis il y avait des esclaves et qu'ils étaient tout le temps à se sauver dans les bois. « Alors, interrogeai-je, les nanaines des esclaves les laissaient donc partir ? Les esclaves n'avaient pas de nanaines. Ne pas avoir de nanaines et aller tout seul dans les bois, comme ça devait être amusant. Or, un jour que je regardais une vieille image représentant un nègre au haut d'un cocotier, entouré de chasseurs accompagnés de chiens qui grattaient furieusement le tronc de l'arbre. « C'est un esclave marron, » m'expliqua ma nanaine. « Il attend pour descendre que son maître lui tire un coup de fusil. Pourquoi ? Parce qu'il espère qu'il aura quelque chose de cassé et qu'il ne pourra plus travailler. Tu vois, c'était un paresseux. » Cette explication m'enleva toute tentation de m'aventurer seule dans les bois où l'on risque de rencontrer de vilains nègres marrons. Et depuis ce moment, dans mes promenades, quand on passait devant un fourré, instinctivement, je serrais plus fort la main de ma nanaine. Dès l'âge de 4 ans, je m'étais révélé collectionneur. Comme on m'avait formellement défendu de toucher à quoi que ce fût dans l'intérieur de la maison, je me rabattais sur des choses du jardin que personne n'aurait songé à revendiquer. Je me mis ainsi à faire un tas de gros galets. J'en avais déjà une très belle collection, quand un jour tous mes trésors disparurent. On avait eu besoin de matériaux pour refaire un mur et mes cailloux y avaient passé. Du coup, je lâchai les galets pour les morceaux de vaisselle cassée que je découvrais çà et là. Ce qui me plaisait surtout, c'était les fragments de porcelaine bleue. Mais mes parents, trouvant qu'il était imprudent de laisser un enfant, s'amusèrent avec des objets coupants. Mes beaux morceaux de porcelaine disparurent à leur tour. Il était donc dit que mes collections me seraient toujours enlevées. J'étais encore trop jeune pour avoir lu Le collectionneur d'écho de Mark Twain. Quelle belle perspective m'eussent été alors ouverte. La superbe collection que j'aurais pu me faire avec les échos qui se répercutaient de notre jardin aux jardins environnants. Définitivement dépouillé, je pouvais, du moins, tout à mon aise, admirer les trésors rassemblés dans le muséum de mon île natale. Coquillages, lions, tigres, oiseaux naturalisés, etc. Je devais, après mon arrivée en France, contempler des lions, des tigres, des vrais ceux-là. Eh bien, j'ose à peine le dire, ils ne m'en imposèrent pas plus. Dans la cour du muséum, il y avait un porc-épic qui, lui, était bien vivant. Moyennant un sou, son gardien nous permettait de lui toucher le bout du nez avec une baguette. Et c'était merveille de voir ses piquants se hérisser sous l'œil attentif de son manager, prêt à arrêter nos mains qui, instinctivement, se tendaient vers l'animal. « Oh, vous, prendre garde, vous arrache son plime !» « Maintenant que tu es un grand garçon, me dit mon père quand j'eus mes 6 ans, il faudra que tu te mettes sérieusement à travailler avec tante Noémie. Cette tante Noémie, dont j'ai plusieurs fois parlé, était la sœur aînée de maman. Restée célibataire, elle s'était donnée tout entière à l'éducation de ses neveux et nièces. Ma mère, que les soins du ménage absorbaient, trouvait en elle une aide précieuse. Tante Noémie apportait à la surveillance des enfants confiés à ses soins la sollicitude inquiète dont la mère poule entoure ses petits. Jusque dans le geste du bras qui s'arrondissait sous sa pèlerine, c'était la couveuse qui ramenait jalousement ses poussins sous son aile. Vieille fille, elle vivait dans la terreur du démon. Je la voyais souvent faire des petites croix sur sa poitrine. « C'est pour conserver un cœur pur, mon enfant, et ne pas devenir la proie du diable. » Et ma tante me lisait la vie du curé d'Ars, où l'on voyait le démon, toujours aux côtés du saint, revêtant les formes les plus diverses. J'avais remarqué que ma tante, quand nous allions chez mon oncle Burolo, faisait ses petites croix en passant devant un tableau représentant une dame décolletée. C'était une copie d'une Vierge de Raphaël. Quant à moi, cette dame ne me faisait pas peur, et je me disais ingénument que si c'était là une des formes que prenait le diable, il n'était pas si terrible que ça. Or, voilà qu'un soir je suis réveillée en sursaut par un bruit, comme un grattement sur le plancher, et malgré l'obscurité, je distingue quelque chose de blanc, une sorte de bâtonnet qui courait en zigzagant à travers la chambre. N'était-ce pas là une manifestation du diable? Je pousse un cri, une servante accourt. Je lui désigne, tout tremblant, ce quelque chose de blanc qui s'était arrêté contre la cloison. Elle se penche et, ramassant par terre une bougie, s'écrie « L'ira couillonné, son lit trop petit pour bougie entrer dedans !» Ce n'était donc qu'un rat qui emportait une bougie. Dès lors, j'eus un peu moins la terreur du diable. Vint le moment où notre père prit en main notre éducation. C'était un homme tendrement attaché au sien, mais, très dur envers lui-même, il trouvait naturel de beaucoup exiger des autres. Et l'avenir de ses enfants, à ses yeux, ne pouvait être garanti que par les grades universitaires. Ce n'était pas que je répugnasse à l'étude, mais je dois avouer mon peu de disposition naturelle pour certaines matières, comme les mathématiques, la géographie, le dessin. Le dessin surtout était ma bête noire. Je n'ai jamais pu arriver à faire un de ces bons hommes dont on voit les enfants couvrir les marges de leurs cahiers. Pendant les repas, on ne parlait que notes des devoirs, places dans les compositions. La journée finie, nous n'étions pas libérés. Après dîner, c'était la récitation des leçons et la correction des devoirs du lendemain. Mon frère cadet et moi, qui nous suivions de près, étions couplés dans nos études. Notre père attachait la plus grande importance au grec et au latin. Quand il n'avait pas terminé la vérification de nos devoirs après dîner, il fallait nous lever avant le jour. Une bougie à la main, du premier étage où nous couchions, nous descendions au rez-de-chaussée où mon père nous attendait, armé de ses redoutables traductions juxtalinéaires. Nous apprécions médiocrement une tutelle si attentive à nos progrès scolaires et nous regardions comme très malheureux. Mais qu'était-ce que ces petites misères? Papa, à notre âge, en avait connu bien d'autres. Petit clerc de notaire, il s'était formé tout seul, passant une partie de ses nuits à parfaire son instruction. Devenu notaire à son tour, il ne se plaisait que dans le commerce de livres, dont le titre seul, encore aujourd'hui, me donne froid. Je me rappelle la logique de Port-Royal, le discours de la méthode de Descartes, la recherche de la vérité de Malebranche. Dans ce repliement sur lui-même, son esprit avait acquis une sorte de sécheresse, quelque chose d'un ascétisme puritain qui l'imposait autour de lui. De sorte que, élevé dans la religion catholique, nous n'avions même pas le bénéfice de l'allégresse qu'elle n'interdit pas aux plus scrupuleux de ses adeptes. Je me rappelle l'indignation paternelle quand, pour mes 12 ans, sur la foi d'un catalogue de livres pour la jeunesse, maman m'avait acheté les contes d'Andersen. « Montre-moi ce livre, » me dit mon père. Et, étant tombé sur le conte intitulé « Les habits du grand-duc »,« Comment ? On parle là-dedans d'un homme tout nu ?» Et il confisqua l'ouvrage. Mais la grande terreur de mon père était la femme. Une troupe dramatique, de passage dans l'île, ayant donné une représentation de Marie ou la grâce de Dieu, et un de mes oncles offrant de m'y conduire, papa ne cacha pas son inquiétude de me savoir à un spectacle où la seule présence d'une femme de théâtre pouvait donner de mauvaises pensées à un jeune garçon de mon âge. J'avais alors dans les 15 ans. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'à la maison, les bonnes étaient choisies pour leurs laiteurs. Et pas seulement les bonnes. Devant apprendre l'anglais, je dis un jour à mon père « Il paraît qu'il y a une Madame Bocage qui a une excellente méthode d'enseignement des langues vivantes. » Cette Madame Bocage était une aimable veuve, dont les 40 ans s'agrémentaient de formes opulentes qui, à mes yeux d'adolescent, présentait le plus vif intérêt. Mon père, sans répondre, me jeta un coup d'œil sévère. À quelque temps de là, il me dit « J'ai trouvé un professeur d'anglais qui a une prononciation encore meilleure que ta Madame Bocage. » Était-ce vrai? Je ne sais. Mais ce que je pus constater, c'est que Mademoiselle Gellier, qu'on me donna comme professeur, avait de la laideur à revendre. Heureusement, la sévère discipline à laquelle nous étions astreints se relâchait pendant les 2 mois de vacances que la famille allait passer au Brûlé. Le Brûlé, c'est, à 500 ou 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, un fouillis de fougères, d'hortensias, de camélias arborescents, un entremêlement de toutes sortes de plantes comme dans une gravure de Bredin. C'est une rivière aux 1000 méandres, formant partout bassins et cascades. C'est, au coucher du soleil, un brouillard bleu tombant des hauteurs, ouate impalpable qui, en quelques instants, répand l'ombre, une ombre comme faite de ces gris argentés qui enchantent dans les toiles de Whistler. Du sommet du Brûlé, quand le ciel était exceptionnellement clair, on apercevait au loin un autre sommet tout blanc, le Piton des Neiges. Quand j'eus 16 ans, j'obtins de mes parents d'y aller en excursion. « Ah, pour du blanc, voilà du blanc !» m'écriai-je. « Ça bleu aussi, monsieur !» fit un nègre derrière moi. Je regardai avec plus d'attention et je dus reconnaître que le nègre avait raison. La neige avait, en effet, des reflets bleus. Mais, me disais-je, comment, malgré ce bleu, paraît-elle d'une si éclatante blancheur? Bien des années plus tard, regardant une blanchisseuse de fin qui rinçait son linge, « Pourquoi donc mettez-vous du bleu dans l'eau où vous trempez votre linge ?»« C'est pour qu'il soit bien blanc, » me répondit-elle. Un jour, je découvris à la maison un album qui avait appartenu à mon grand-père. On y trouvait reproduit quantité d'uniformes d'officiers de l'armée française, et je m'exaltais à la vue de tant de magnifiques militaires. Ah, si je pouvais un jour porter un de ces beaux costumes! Et voilà qu'un dimanche, Au sortir de la grand-messe à la cathédrale, je tombai en arrêt devant quelques officiers, vêtus d'uniformes encore plus chamarrés que tous ceux que j'avais vus dans l'album de mon grand-père. Je m'informai et j'appris que c'étaient des médecins et des pharmaciens de marine. Ils avaient une casquette ornée de broderies, à la confondre avec la coiffure des généraux. Et, dans le dos, scintillait un merveilleux soleil tout en or. La seule différence entre les deux uniformes tenait à la nuance du velours formant le col et les parements qui étaient verts pour les pharmaciens et amarantes pour les médecins. Ce fut à ce dernier qu'alla mon choix, quand je me fus rendu compte que l'or brillait avec moins d'éclat sur le vert que sur l'amarante. Et, mon choix fait, je déclarai à mon père « Je veux être médecin de marine. » « En attendant, dit froidement papa, tu ferais bien de commencer par avoir de meilleures notes au lycée. » Or, à quelque temps de là, le professeur de lettres, grand admirateur de Victor Hugo, nous donna comme sujet de composition « Comparer le grotesque chez les anciens et chez les modernes. » Je me rappelais que ce thème-là avait été traité dans la préface de Cromwell. Je copiai froidement le poète. Et le professeur me classa « dernier ». Tout hugolâtre qu'il fût, le père Jaillot n'y avait vu que du feu. Ma copie lui avait simplement paru quelque chose de tout à fait ridicule. Si enfigurique même que, pour montrer à mes camarades jusqu'où le pathos pouvait atteindre, il lut tout haut mon devoir, et ce ne fut dans la classe qu'un éclat de rire. Fort vexé, je fus sur le point de révéler ma supercherie. Mais, à la réflexion, je jugeai plus prudent de me taire. Le Bachot était proche, et, à sa qualité de professeur, le père Jaillot joignait la fonction d'examinateur au baccalauréat. À la réunion, le baccalauréat a, aux yeux des familles, autant de prestige qu'il inspire de terreur aux élèves. Pour comble, le jury d'examen était recruté, entre autres, parmi les magistrats du tribunal. Et on imagine aisément l'effroi des potaches, se trouvant tout à coup en face du procureur de la République, du juge d'instruction. Nous nous faisions moins l'effet de collégiens que des prévenus attendant leur condamnation. Or, il y avait des parties sur lesquelles j'étais nulle, l'histoire et la géographie notamment, et l'examinateur en ces matières était, par surcroît, le président même du jury. Monsieur le procureur de la République, dont la sévérité était redoutée des candidats. Un miracle seul pouvait me sauver, et ce miracle arriva. Au moment où le procureur de la République ouvrait la bouche pour me poser sa question, un agent de police faisant irruption dans la salle d'examen se précipita sur lui. On avait découvert, pendu à la plus haute branche d'un tamarinier dans les jardins de l'hôtel de ville, un Indien, travailleur libre. Tel était le nom donné aux Indiens que l'on allait chercher dans leur pays pour suppléer les nègres qui, libérés de l'esclavage et promus au rang d'électeurs, trouvaient le travail indigne de leur nouvelle qualité. Notre travailleur libre, pris de nostalgie, avait imaginé ce moyen malhonnête de rompre son contrat. Par la mort, il s'assurait, en outre, le grand avantage d'aller revivre dans son pays, suivant cette croyance de sa religion, plantée ici, repoussé Madras. Bref, le garde de police était venu annoncer la chose au procureur de la République. Mais, surtout, il voulait savoir s'il fallait couper la corde. Le magistrat partit précipitamment avec le garde. Le terrain se trouvait ainsi déblayé en ce qui me concerne. Et, comme un bonheur n'arrive jamais seul, ce fut un autre membre du jury, le professeur d'histoire du lycée, un vieil ami de ma famille, qui continua l'examen. C'est ainsi que je fus reçu bachelier. Je pourrais donc aller faire en France mes études médicales. Comme d'ordinaire, les médecins formulent et signent leurs ordonnances d'une façon illisible, je m'exerçais tout de suite à écrire en pâte de mouche. Mais ce travail préparatoire ne devait servir à rien. Mon père, pour m'éprouver, avait eu l'idée de me conduire à l'hôpital et de me faire assister à une opération. La vue seule du sang me fit presque tomber en syncope, et je dus reconnaître, la mort dans l'âme, qu'il fallait renoncer à ces galons et à ce soleil d'or dans le dos qui me faisait tant envie. La carrière médicale m'étant fermée, il fut convenu que je ferais mon droit. C'est la faculté de Montpellier qui fut choisie par mon père, avec cette idée qu'avant d'affronter les températures du Nord, il convenait de faire un stage dans le Midi.